Let's try again. Viteng, do you know this one? Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ses messieurs. Ses messieurs me disent, l'attrapez dans l'huile, mettez-la dans l'eau, vous aurez un escargot tout chaud. Calispero. Voice. Bye. camarade. Tarot? Are you tarot? What? What do you want to say? Kiss, don't stop. Okay, people, time to sleep. I'm not tired, but it's time. They are going to need to make a deal.